l'ermetto del serve, si la chiappa qua con olev, le masche sulle che tappi, dans les coulisses de la nuit, bonjour, je la vie, il y a la tendresse et l'envie, le désespoir et puis la peine, il y a la joie, il y a la peine, et comme une étincelle, qui nous dit de danser, qui nous dit de rêver, et qui nous dit de m'aimer, et comme une étincelle, regarde qui nous appelle, et qui nous dit d'entrer, et n'a rien à cacher. Ouvre les bras, ouvre bien ton cœur, chasse la peine, chasse aussi la peur, passe à peu par où suit ton chemin, et la vie est la porte de tes mains, tu seras ce que tu en feras, ton rêve est là et te conduira. Dans le tourbillon des désirs, entre les larmes et les soupirs, et les regrets qui se consument, de nouvelles flammes s'allument, et phénix ou bien papillon, toujours nous y brûlerons, cherchant comme dans un miroir, le reflet, la lueur d'espoir, ce n'est qu'une étincelle, qui nous dit de chanter, qui nous dit de donner, et qui nous dit de m'aimer. Ce n'est qu'une étincelle, la voix qui nous rappelle, la vie nous est donnée, il n'y a rien à payer. Ouvre les yeux, ouvre grand ton âme, chasse l'envie, cherche en toi la flamme, jour après jour l'amour sur ta route, te conduira loin de tous tes doutes, poursuis ton rêve et fais en ta loi, brûle pour lui comme un feu de joie. Ce n'est qu'une étincelle qui nous dit de chanter, qui nous dit de danser, et qui nous dit de m'aimer. Ce n'est qu'une étincelle, la voix qui nous rappelle, la vie nous est donnée, et il n'y a rien à payer. C'est gratuit, ça serait dommage de ne pas en profiter.